noir. Femme africaine, dans mon existence comme une lumière, tu jaillis. Ton dernier soupir sur ce lit fut mon premier cri. Tu es celle qui m'a donné la vie, le fruit de ton produit depuis tout petit. Et quand même j'ai grandi, blanchi l'eau, j'ai nourri. Celle qui a dirigé mon premier pas sur le droit chemin, évité les vilains pièges tendus par mon destin. Tu m'as donné ton sein, voilà pourquoi pour toi ma mère je dédie ceci. Je sais que sa vie, elle ne l'avait pas choisie, mais celle-ci est adaptée, accomplie, remplie avec fierté. Née sous la pluie et le beau temps du pays, elle m'a fourni le plein d'énergie. Portée en elle à travers ses douleurs, toujours cette pensée ne la détache mon devenir. Ce que sera mon avenir, en sa mémoire, une lueur d'espoir d'une femme noire. Voir un jour meilleur de notre Seigneur, notre Sauveur, en douceur son fils devenir quelque chose. Même si la vie de ma maman n'était pas rose, composée de déceptions, désolation, humiliation, et pourtant courageuse et surtout heureuse. Avec son appui, j'aurais pu construire mon avenir. Je fais sa bonne humeur, son sourire, croyant baigner enfin dans le bonheur. Elle ne connut que douleur et peur. Dans une famille où le réveil du matin est pénible, pour petit déjeuner, le crâne du diable qu'on lui pose sur la table. Sur la table. À toi femme noire, femme africaine, ta vie n'était pas rose. Traitée comme une chose, tu as subi outrage et avani. Face à ces satans, tu as su rester forte. Venger ta foi en Dieu tout puissant, garder tête haute pour tes enfants. Maman, pardonne-moi si de tes malheurs j'en suis la cause. J'ose te contempler, tu es mon œuvre d'art que j'expose. Ma fierté, être ton enfant, pour moi c'est émouvant. Vraiment, adolescent, conscient, je te suis reconnaissant. Berceau de l'humanité, pour l'éternité, celle qui m'a bercé, comblé, donné à manger, réchauffé, séché mes larmes de tristesse grâce à la souplesse de son âme. Ma terre, mon univers, mon royaume, l'air que je respire, l'eau que je bois, l'odeur que je peux sentir. Grâce à toi aujourd'hui, tombé défiguré, les deux jambes broyées, je peux me relever, faire face à l'adversité. Mon amour pour toi depuis toujours ne cessera de voir la couleur du jour. Trop souffert pour tes enfants, tu vis le martyr. Pire, ton esprit s'affaiblit, tes joies s'enfuient, surgit la peur de tes souvenirs. Tant de choses à te dire, par quoi commencer, définir à quel point je te suis reconnaissant. Y'a des mots je ne peux prononcer, car la parole m'empêche de m'exprimer. Le vécu de ma maman est un long et triste roman, un répertoire racontant l'histoire d'une femme noire sur une autoroute aléatoire. Sache, maman, tes fils d'hommes et rostes sont sur l'autoroute de la réussite. Emporte tous ces gens ne souhaitant que ta chute. Seigneur, aide-moi à rendre sa vie paisible comme son passé misérable. En guise de remerciement, d'avoir la reconnaissance puis l'obéissance. À son égard, il n'y aura pas d'arrogance, pas d'audace. À ma naissance, portée avec délicatesse, beaucoup de finesse dans ces moments de tristesse, de détresse. Aucune faiblesse dans sa noblesse, blessé, tant de supplices affligés, et pourtant n'a jamais regretté ma présence. Pour me juger, la moindre bêtise à l'audience, elle sait me rendre justice. Mon confort, je le trouve dans ses bras, son cœur, mon lieu de résidence. Fasciné par sa résistance, quand je pense, ma reine, celle dont le sang coule dans mes veines. J'ai tant de peine à voir la tristesse te mener par le bout du nez, alors que tu te démènes, te surmènes, pour la seule simple raison des enfants qui se battent pour réussir jusqu'à présent. Mère, on t'aime profondément, passionnément à la folie. Pour te remercier, voilà l'amour que l'on te dédie. Maman, tu es la plus belle femme de tout l'univers. Alors sache,